crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kéber. Avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. Je crois qu'il y a un élément central qui relie ces gens et ces événements. C'est la clé de l'enquête. Si nous trouvons le lien, nous tenons le coupable. Nous sommes aux origines du mal. Voici plus de 30 ans que je redoute ce moment. Amadier, laissez-vous aller, chef. Et quand tout a été fini, elle a ajouté « Maintenant, vous êtes un criminel. » Le chef de la police de l'époque, Gareth Pratt, vient en effet d'avouer avoir une relation avec la jeune fille. Allez voir par la fenêtre, écrivain. Pratt, c'est Gallowood. Il n'y a qu'une solution. Il s'enterne là. Je ne suis pas là pour lui dire adieu. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker. Adaptation Sophie Lemp. Réalisation Pascal Deux. 9e épisode. Le 30 août 2008, Marcus quitta Concorde pour rentrer à New York lancer la promotion de son livre. Il fit un détour par Aurora pour aller saluer Harry au Seaside Motel. Je rentre à New York. Alors c'est un adieu. Un au revoir. Je reviendrai vite. Je vais réhabiliter votre nom. Dans quelques mois, vous serez à nouveau l'écrivain le plus respecté du pays. Pourquoi, Marcus ? Parce que vous avez fait de moi ce que je suis. Et vous estimez avoir une espèce de dette envers moi, c'est ça ? J'ai fait de vous un écrivain. Mais comme il semble qu'aux yeux de l'opinion publique, je n'en sois plus un moi-même, vous essayez de me rendre ce que je vous ai donné. Non, je vous défends parce que j'ai toujours cru en vous. Toujours. Tenez. Qu'est-ce que c'est ? Mon livre. Oh, je ne le lirai pas. Je veux votre accord avant de le publier. Ce livre, c'est le vôtre. Non, Marcus, c'est le vôtre. Et c'est bien là le problème. Je pense que c'est un grand livre. Et en quoi est-ce un problème ? Un jour, vous comprendrez. Mais comprendre quoi, bordel ? Parlez-moi une bonne fois pour toutes. Un jour, vous comprendrez, Marcus. Sans doute bientôt. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je ne vais pas rester ici. Ici, c'est-à-dire ? Dans ce motel, dans le New Hampshire, en Amérique ? Je voudrais aller au paradis des écrivains. Le paradis des écrivains ? Oui. L'endroit où on décide de réécrire la vie comme on aurait voulu la vivre. Car la force des écrivains, Marcus, c'est qu'ils décident de la fin du livre. Ils ont le pouvoir de tout changer. Que se serait-il passé ce 30 août 1975 si... De quoi parle votre livre ? D'un homme qui a aimé une jeune femme. Elle avait des rêves pour deux. Elle voulait qu'ils vivent ensemble, qu'ils deviennent un grand écrivain, professeur d'université, et qu'ils aient un chien couleur du soleil. Mais un jour, cette jeune femme a disparu. On ne l'a jamais retrouvée. L'homme, lui, est resté dans la maison à attendre. Il a fait exactement tout ce qu'elle lui avait demandé et il a attendu. Mais elle n'est jamais revenue. Parce qu'elle est morte. Maintenant, cet homme peut en faire le deuil. C'est trop tard, il a 67 ans désormais. Il n'est jamais trop tard. Au revoir, Harry. Je vous appellerai de New York. N'appelez pas, c'est mieux. Quel jour on est, Marcus ? Le 30 août. Et il est quelle heure ? Presque 11h du matin. Plus que 8h avant qu'il soit 19h. Que se passe-t-il à 19h ? Nous avons rendez-vous, elle et moi. Vous le savez bien. Elle viendra. Regardez où nous sommes. Au paradis des écrivains. Il suffit de l'écrire et tout pourra changer. Depuis le jour de sa sortie, l'affaire Harry Kéber de Marcus Goldman était numéro 1 à travers tout le pays et promettait d'être la meilleure vente de l'année sur le continent américain. On en parlait à la télévision, à la radio, dans les journaux. Les critiques étaient excellentes. Son livre, l'affaire Harry Kéber, est en tête des ventes dans tout le monde. A cette fois encore réussi à toucher le public avec un livre qui n'a pas fini de faire parler de lui. Succès mérité pour Marcus Goldman. À la suite d'un article du New York Times, Nola se voyait surnommée la fillette qui avait ému l'Amérique. Les Origines du Mal, qui 4 mois plus tôt avaient été retirées de quasiment toutes les librairies du pays, voyaient à présent ses ventes décoller. Quant à Harry, j'avais essayé de le joindre à plusieurs reprises. Mais son portable était coupé. Et lorsque j'appelais le Seaside Motel et demandais la chambre 8, le téléphone sonnait dans le vide. De manière générale, je n'avais plus aucun contact avec Aurora. Jusqu'à ce que je reçoive un soir, sur mon portable, un appel du sergent Gallowood. Bonsoir l'écrivain, je vous dérange ? Pas du tout, c'est un plaisir de vous entendre. Je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à propos de la mère de Nola, celle dont vous racontez dans votre livre qu'elle battait sa fille. Louisa Killergan, oui. Votre ordinateur est allumé ? Oui, pourquoi ? Je vous envoie un mail. Oh, qu'est-ce qui se passe là ? Vous commencez à m'inquiéter. Vous m'aviez parlé de l'Alabama, vous vous souvenez ? Bien sûr que je me souviens. C'est de là que venaient les Killergan. Eh bien, on a merdé, Marcus. Et pas qu'un peu. On a complètement oublié de se pencher sur l'Alabama. Vous avez le mail ? Je viens de le recevoir. Regardez la pièce jointe, c'est une photo. Vous arrivez à l'ouvrir ? Oui. C'est un cimetière ? La pierre tombale, Marcus. Zoomez sur l'inscription. Louisa Killergan, 1930-1969. Notre épouse et mère bien-aimée. Nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Que la mère de Nola est morte en 1969. Soit 6 ans avant la disparition de sa fille. Qui vous a transmis cette photo ? Un journaliste de Concorde. Ça fera la une de la presse demain, l'écrivain. Et vous savez ce qui va se passer ? En moins de 3 heures, tout le pays pensera que et l'enquête et votre livre sont totalement bidons. C'est pas vrai. L'information parut le lendemain dans le Concorde Herald, puis reprise par tous les médias, sema le doute dans l'opinion. La fillette qui avait ému l'Amérique était-elle le fruit de l'imagination d'un écrivain en panne d'inspiration ? Comment Marcus Goldman avait-il pu négliger un tel détail ? Le vendredi 24 octobre 2008, Marcus prit un vol pour Manchester, New Hampshire, où il loua une voiture afin de se rendre directement dans le bureau de Perry Gallowood, au quartier général de la police d'État de Concorde. J'ai réécouté tous les enregistrements de Harry. J'étais persuadé qu'il m'avait un jour affirmé que la mère de Nola la battait. Mais le mardi 1er juillet 2008, voilà comment notre conversation se termine. Ça, ce n'est que le début de l'histoire, Marcus. J'ai ensuite fait une découverte terrible à propos de la mère de Nola. Fin de la visite, messieurs. C'est le dernier enregistrement. Après, il y a eu les révélations sur le chef Pratt, la fuite des feuillets et Harry qui ne voulait plus m'adresser la parole. Il m'a jamais dit ce qu'il avait découvert. Allons lui rendre une petite visite au Seaside Motel. Quand ils arrivèrent au motel, la chambre 8 était occupée par une jeune femme blonde. Le réceptionniste leur apprit qu'un homme l'avait payée pendant plusieurs semaines pour pouvoir rester assis devant la porte. Harry n'avait jamais pris de chambre. Il avait laissé une enveloppe pour Marcus. Dans l'enveloppe, il y avait une petite clé. Brusquement, il reconnut celle du casier du fitness de Montbury. 20 minutes plus tard, ils étaient dans les vestiaires. À l'intérieur du casier 201, il y avait un paquet de feuilles reliées, accompagné d'une lettre. Cher Marcus, si vous lisez ces lignes, c'est qu'il y a certainement un sacré bordel autour de votre bouquin. Ce livre, c'est que vous avez besoin de réponses. Ceci pourra vous intéresser. Ce livre, c'est la vérité. Harry. Sur la première page du manuscrit tapé à la machine, était inscrit « Les mouettes d'Aurora » par Harry L. Kéber. Le soir même, le sergent Gallowood invita Marcus à dîner. Pendant de longues heures, les deux hommes étudièrent le manuscrit de Harry, un roman d'amour dans lequel Nola s'en allait attendre l'homme de sa vie au Canada. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire avec son bouquin ? Il imagine sa vie si Nola n'était pas morte. C'est le paradis des écrivains. Le paradis des écrivains ? Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est lorsque le pouvoir d'écrire se retourne contre vous. Vous ne savez plus si vos personnages n'existent que dans votre tête ou s'ils vivent réellement. Et en quoi ça nous aide ? J'en sais rien. Rien du tout. C'est un très bon livre et il l'a jamais publié. Pourquoi l'a-t-il gardé au fond d'un tiroir ? Peut-être parce qu'il y parlait d'une fille disparue. Oui, mais dans Les Origines du Mal, il parlait aussi de Nola et ça n'a rien empêché. Et pourquoi m'écrit-il « Ce livre, c'est la vérité ». La vérité à propos de quoi ? De Nola ? Elle serait jamais morte et elle vivrait dans une cabane en bois ? Ça n'a pas de sens, les analyses sont formelles. Alors quoi ? Alors on n'est pas beaucoup plus avancé, l'écrivain. Et ce livre ne nous apprend rien de plus sur la mère de la petite. Dans la presse, on continuait à pointer l'incohérence du récit qui, selon les journalistes, remettait en cause l'entière crédibilité du livre. En interrogeant de nouveau Nancy Hathaway, l'amie de Nola, Marcus découvrit le quiproquo qu'il avait induit en erreur. Je comprends pas. Je vous ai jamais parlé de la mère de Nola. Et les coups de règle sur les seins, vous vous souvenez ? Les coups, oui. Nola m'avait montré ses bleus et m'avait dit que sa mère la battait. La mère de Nola était morte en Alabama plusieurs années avant sa fille. Parce que c'est ce jour-là que j'ai compris. Mais personne n'avait cru bon de le dire à l'écrivain, car tous pensaient qu'il le savait. Je suis vraiment désolée, monsieur Goldman. J'étais certaine que vous saviez que sa mère était morte depuis longtemps. C'est Stéphanie Andorf, ancienne camarade de classe elle aussi, qui, en contactant Marcus, apporta à l'enquête de nouveaux éléments. J'étais très proche de Nola. Tout le monde l'aimait à Aurora. Mais un jour, il s'est passé quelque chose d'étrange. Après, je me suis tenue à l'écart. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mes parents tenaient un magasin dans la rue principale. Souvent, on allait dans la réserve, en cachette, et on se gavait de bonbons. Ce jour-là, brusquement, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas chez Nola. Son regard avait changé. Elle m'a dit qu'elle devait rentrer, que sa mère voulait qu'elle rentre. Et vous saviez ? Bien sûr. J'ai essayé de la raisonner. Je lui ai rappelé doucement que sa mère était morte. Mais elle s'est mise à hurler que sa mère la punissait quand elle était méchante. Et elle s'est enfuie en courant. Quelques jours plus tard, je suis allée tout raconter à son père, le révérend Kellergan. Il a pris ça comment ? Il s'est mis en colère et m'a ordonné de ne plus jamais parler de cette histoire. Alors, je me suis tue. Mais je n'ai jamais oublié ce jour-là. En lisant votre livre, j'ai retrouvé cette mère abusive et bien vivante. Alors quand les journaux commençaient à dire que vous racontiez n'importe quoi, je me suis dit qu'il fallait que je vous contacte. Parce que je sais que vous dites la vérité. Mais quelle vérité ? La mère de Nola est morte depuis toujours. Je le sais bien, mais je sais aussi que vous avez raison. Vous pensez que Nola a été battue par son père ? C'est ce qu'il disait en tout cas. À l'école, on voyait toutes les marques sur son corps. Mais qui allait s'élever contre le révérend ? À Aurora, en 1975, on ne se mêlait pas des affaires des autres. C'était une autre époque. Tout le monde recevait une claque de temps en temps. En quittant Stéphanie Endorf, je décidai de partir avec le sergent Gallowood pour Jackson, en Alabama, afin de répondre à la question que je me posais depuis le début de mon enquête. Que s'était-il passé avant que les Kellergan s'installent à Aurora ? Le 28 octobre 2008, Marcus Goldman et le sergent Gallowood arrivèrent en Alabama. Ils furent accueillis par un officier de la police d'État, Philip Thomas, auquel le sergent avait demandé de recueillir un maximum d'informations sur les Kellergan. David J. Kellergan est né à Montgomery en 1923. Il a fait ses études de théologie avant de devenir pasteur à la paroisse Mount Pleasant de Jackson. Il s'est marié avec Louisa Benville en 1955. Ils habitaient une maison dans un quartier tranquille au nord de la ville. En 1960, Louisa a donné naissance à une petite fille, Nola. Après, il n'y a rien à signaler jusqu'à ce drame, en 69. Ce drame ? Il y a eu un incendie et Louisa Kellergan a été tuée. Le rapport de police indique qu'une nuit, vers 1h du matin, alors que le pasteur s'était rendu au chevet d'un paroissien mourant, Louisa et Nola ont été surprises par les flammes dans leur sommeil. Le pasteur, en rentrant, a réussi à sauver sa fille, à moitié inconsciente. Mais pour sa femme, c'était trop tard. Le rapport a conclu qu'une bougie restée allumée avait probablement mis le feu au rideau. Tenez, je vous l'ai apporté. La date. Regardez la date de l'incendie, sergent. Oh mon Dieu, le 30 août 69. L'officier qui a mené l'enquête a longtemps eu des doutes sur le père. Comment le savez-vous ? Je lui ai parlé. Il s'appelle Edouard Horowitz. Il est à la retraite maintenant. On peut le rencontrer ? C'est prévu. Je lui ai demandé de venir. D'ailleurs, le voilà. Messieurs, bonjour. Bonjour. Edouard Horowitz. Sergent Gallowood. Et voici l'écrivain Marcus Goldman. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Horowitz, comme ça, à l'époque de l'incendie, vous avez soupçonné David Kellerghan ? Oui. Il n'y a aucune preuve de sa version des faits. Comme par miracle, il arrive à temps pour sauver sa fille, mais juste trop tard pour sauver sa femme. On a longtemps pensé qu'il avait mis le feu à la maison. Surtout que, quelques semaines plus tard, il a foutu le camp. La maison brûle, sa femme meurt, et lui, il se tire. Quelque chose clochait, mais on n'a jamais eu le moindre élément contre lui. C'est le même scénario que la disparition de sa fille. En 75, Nola est probablement assassinée, mais rien ne permet de l'affirmer vraiment. Vous pensez que le révérend aurait tué sa femme, puis sa fille ? On se serait trompé de coupable ? Si c'est le cas, c'est une catastrophe. Qui pourrait-on interroger, monsieur Horowitz ? Difficile à dire, 39 ans après les faits. Je sais que David Kellerghan était assez proche d'une sorte de secte pentecôtiste de la région. Des fous de Dieu qui vivent en communauté dans une ferme à une heure d'ici. Le révérend a vécu là-bas après l'incendie. Demandez à parler au pasteur Lewis s'il est toujours là-bas. C'est leur espèce de gourou. Je n'ai jamais connu de gens plus heureux. David et Louisa semblaient avoir été conçus par le Seigneur pour s'aimer. Et ils étaient des parents formidables. Nola était une petite fille vive, délicieuse. C'était beau de voir ça. Surtout dans cette saloperie d'Alabama des années 60, tourmentée par la ségrégation. Puis tout a basculé. Oui. Comment ? Pourquoi parler de tout ça ? C'était il y a si longtemps. Révérend Lewis, que s'est-il passé en 1969 ? Nous l'avons exorcisé. Quoi ? Mais ça ne s'est pas bien passé. Mais de quoi parlez-vous ? La petite Nola, nous l'avons exorcisé. Mais ça a été une catastrophe. Je pense qu'il y avait trop de malin en elle. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire ? L'incendie, la nuit de l'incendie... Cette nuit-là, ça ne s'est pas passé exactement comme David Kellerghan l'a raconté à la police. Il était effectivement auprès d'une paroissienne mourante, et lorsqu'il est rentré chez lui vers 1h du matin, il a trouvé la maison en flammes. Mais, comment vous dire, quand il est arrivé, les flammes étaient déjà immenses. Et Nola chantait sous le porche. Le lendemain, elle a raconté à son père qu'elle avait mis le feu au rideau parce qu'elle trouvait que sa mère qui dormait avait l'air méchante. J'étais venu prendre de leurs nouvelles quand j'ai surpris cette conversation. J'ai proposé à David de l'exorciser. Pendant plusieurs jours, nous avons essayé de faire sortir le démon de son corps. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? En principe, des prières suffisent. Mais là, le diable était fort. Alors, nous lui avons plongé la tête dans un baquet d'eau bénite pour en venir à bout. Les simulations de noyade. Mais ça n'a pas suffi. Alors, pour terrasser le démon, nous l'avons frappé. Vous avez battu la petite ? Pas la petite ! Le malin. Vous êtes fou, Lewis. On pensait qu'on avait réussi à la délivrer. Mais après, elle s'est mise à voir sa mère partout. Elle avait des sortes de crises pendant lesquelles elle devenait incontrôlable. Un jour, je l'ai trouvée devant la baignoire remplie. Elle se tenait d'une main fermement par les cheveux et se forçait à plonger la tête dans l'eau glacée. Ça ne pouvait plus continuer. Alors, quand il a su que la paroisse d'Aurora cherchait un nouveau pasteur, David n'a pas hésité une seconde. Et c'est ainsi qu'il a quitté l'Alabama. En revenant de l'Alabama, Marcus et le sergent Gallowood se rendirent au Children's Hospital de Boston, où ils furent reçus par l'un des grands spécialistes de pédopsychiatrie de la côte Est. Le professeur Alcanor leur confirma que Nola souffrait de psychose infantile. Lors d'émotions intenses, elle décompensait et pouvait aller jusqu'à se battre elle-même, comme si sa mère venait la punir de ce qu'elle lui avait fait. Il fallait que David Kellerghan nous confirme ce que nous venions de découvrir. Nous lui rendîmes visite le samedi 1er novembre. Le 30 août, Nola a eu une crise très violente. Je ne l'avais jamais vue dans un tel état. J'ai essayé de la calmer, mais rien n'y faisait. Alors je suis allé me terrer dans le garage où j'ai mis la musique le plus fort possible. La suite, vous la connaissez. Je pense que c'est une lettre qui a provoqué la crise. Une lettre de rupture. Et qui l'avait écrite ? Harry Kébert. J'ai retrouvé les lettres après la disparition de Nola dans sa chambre, cachée sous une latte abîmée du parquet. Tout est dans le carton là-bas. Et comment savez-vous que c'était Harry Kébert ? Elles ne sont pas signées. Parce que ce sont les textes qui figurent dans son livre. J'ai réalisé ça il y a seulement quelques semaines. Au supermarché, il venait de remettre en vente les origines du mal. Je l'ai acheté. J'ai eu l'impression d'avoir déjà lu certaines phrases quelque part, et brusquement, tout s'est éclairé. Je suis allé relire ces lettres que je n'avais pas touchées depuis 30 ans. C'est là que j'ai compris. Cette saloperie de lettre de rupture a rendu ma fille folle de chagrin. Ouais. Luther Caleb a peut-être tué Nola, mais à mes yeux, Kébert est coupable autant que lui. Sans cette lettre, elle ne se serait peut-être pas enfuie et n'aurait pas croisé Caleb. Ça me rend fou de rage. Il savait qu'elle était fragile. Et il l'a poussée à bout. Qu'est-ce que vous entendez par « il savait » ? Il savait tout à propos de Nola. Tout. Vous voulez dire que Harry était au courant pour les épisodes psychotiques de Nola ? Oui. Je savais que Nola allait parfois chez lui avec la machine à écrire. C'était les vacances, ça l'occupait. Je trouvais ça plutôt bien qu'elle connaisse un écrivain. Ouais. Jusqu'à ce que Harry vienne me trouver parce qu'il pensait que ma femme battait Nola. C'était quelques jours avant la disparition. Je lui ai tout raconté. Je lui ai expliqué que Louisa n'existait plus que dans la tête de ma fille. Il voulait que je la fasse soigner, je l'ai envoyée se faire foutre. Deux semaines après, elle disparaît. Vous en pensez quoi, l'écrivain ? Harry nous a menti. Il ne l'attendait pas au motel, il voulait rompre. Il n'a jamais prévu de partir avec elle. Il faut qu'on le retrouve. C'était « La vérité sur l'affaire Harry Kébert » de Joël Dicker. Avec Florent Shepp, Frédéric Pierrot, Éric Herson-Macarel, Jean-Pierre Calfon, Nathalie Canoui, Justin Blancart, Vincent Grasse, Philippe Morier-Genoux, Isabelle Otero, Johanna Nizard. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salançon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, adapté par Sophie Lem, a été publié aux éditions de Fallois.